Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Nicolas Struve, Dominique Pinon, Noam Morgenstern. Quatrième épisode. Depuis 15 jours, Sylvestre était au quartier de Brest. Un seul soir, il s'était grisé, parce que c'est l'usage. Un dimanche aussi, il était allé au théâtre. Il avait trouvé qu'il y faisait très chaud, qu'on y manquait d'air et de place, et il s'était endormi sur la faim. En rentrant à la caserne, passé minuit, il avait rencontré des dames d'un âge mûr qui faisaient les 100 pas sur leur trottoir. Écoute ici, mon joli, approche un peu. Il avait bien compris ce qu'elle voulait, mais il restait vierge et passa avec un sourire de moquerie enfantine. As-tu vu celui-là? Allez, mon bébé, sauve très vite, on va te manger. Un jour, on l'appela au bureau de sa compagnie. Il était désigné pour la Chine. Il se doutait depuis longtemps que ça arriverait. Dans 5 jours, il faudrait faire son sac et s'en aller. Il écrivit à sa grand-mère, au crayon, assis par terre, au milieu du va-et-vient et de la clameur de tous ces jeunes hommes qui, comme lui, allaient partir. Ayant réuni toutes ses pauvres économies, arrangé dans un carton sa belle robe des dimanches et une coiffe de rechange, la grand-mère partit pour embrasser son petit-fils au moins encore une fois. Elle fut émerveillée de le trouver si beau, portant crânement son col bleu ouvert et son bonnet à pompons rouges. Un instant, elle eut devant les yeux l'image de son fils Pierre, qui avait été lui aussi gabier de la flotte. Et le souvenir des morts avait jeté sur l'heure présente une ombre triste. Ils étaient sortis bras dessus bras dessous. Oh, ce dernier jour! Elle avait eu beau chercher dans sa tête pour dire des choses drôles, elle n'avait rien trouvé, non. C'étaient les larmes qui avaient envie de venir. C'est par le train du soir qu'elle s'en alla. Pour économiser, il s'était rendu à pied à la gare. À l'idée que c'était fini, son cœur se déchirait d'une manière affreuse. Grand-mère. Au revoir. C'est en Chine qu'il s'en va, à la tuerie. Elle l'a, encore là, avec elle. Elle le tient de ses deux pauvres mains. Et cependant, il partira. Ni sa volonté, ni ses larmes, ni son désespoir ne pourront rien pour le garder. Allô, la vieille, il faut vous décider si vous voulez partir. Elle dit n'importe quoi à présent, et il répond tout bas, la tête penchée vers elle, avec son air de petit enfant. Regarde-le bien, pauvre vieille, ton petit-fils chéri. Jusqu'à la dernière minute, suis bien sa silhouette qui s'efface là-bas, pour jamais. Il a pris le large, emporté sur des mers bleues. le navire qui le conduisait en Extrême-Asie avait ordre de brûler les escales. Étant gabier, il vivait dans sa mâture, comme un oiseau, évitant la cohue d'en bas. On s'était arrêté sur la côte de Tunis pour prendre des zouaves et des mulets. De loin, il avait aperçu des villes blanches sur des sables. Un jour, on arriva à Port Saïd. Le lendemain, ils entraient dans l'étroit ruban d'eau entre les sables, suivis d'une queue de bateaux de tous les pays. Cela avait duré 2 jours, cette promenade à la file dans le désert. Puis une autre mer s'était ouverte devant eux. Quand on est gabier, on navigue emporté comme une chose sans rien savoir, ignorant les distances et les mesures sur l'étendue qui ne finit pas. Sylvestre n'avait que la notion d'un éloignement effroyable. L'eau, l'air, la lumière avaient pris une splendeur morne et écrasante. Une fois, dans la hune, on fut tous amusés par des nuées de petits oiseaux qui vinrent se jeter sur le navire comme des tourbillons de poussière noire. Ils se laissaient prendre et caresser. Tous les gabiers en avaient sur leurs épaules. Mais bientôt, ils commencèrent à mourir. Ils mouraient par milliers, sur les vergues, sur les sabords, ces tout petits, au soleil terrible de la mer Rouge. Ils étaient venus de par-delà les grands déserts, poussés par un vent de tempête. Leur race avait pullulé dans des amours exubérantes, et il y en avait en trop. Alors, la mère sans âme, la mère nature, avait chassé d'un souffle cet excès de petits oiseaux avec la même impassibilité que s'il se fût agi d'une génération d'hommes. Ensuite, ce furent des sauterelles, et le navire en était couvert. Puis on navigua plusieurs jours dans du bleu inaltérable, où on ne voyait plus rien de vivant. De la pluie à torrents sous un ciel lourd et noir, ce fut l'Inde. Tout était magnifiquement vert. Les feuilles des arbres étaient faites comme des plumes gigantesques. Et les gens qui se promenaient avaient de grands yeux veloutés qui semblaient se fermer sous le poids de leurs cils. Le vent qui poussait cette pluie sentait le musc et les fleurs. Enfin, on arriva au sud de l'Indochine, dans un pays appelé Touran, où se trouvait au mouillage une certaine Circé. C'était le bateau auquel Sylvestre se savait destiné. Il y retrouva des pays, et même 2 Islandais. Le soir, par ces temps toujours chauds, où il n'y a rien à faire, ils se réunissaient sur le pont, isolés des autres, pour reformer ensemble une petite Bretagne. Il dut passer 5 mois d'inaction dans cette baie triste, avant le moment désiré d'aller se battre. Paimpol, le dernier jour de février. Gaud se tenait debout contre la porte de sa chambre, immobile et très pâle. Yann était en bas à causer avec son père. Ils ne s'étaient pas rencontrés de tout l'hiver. Après sa course à Porsévén, elle avait fondé quelque espérance sur le pardon des Islandais. Mais dès le matin de cette fête, une mauvaise pluie s'était mise à tomber. « Ceux de Ploubalanec ne viendront pas », avaient dit tristement les filles. Et en effet, ils n'étaient pas venus. Ou bien il s'était enfermé à boire. Pas de procession, pas de promenade, et Gaude était resté derrière ses vitres, écoutant ruisseler l'eau des toits. Elle avait prévu cette visite de Yann, se doutant bien que pour cette affaire de vente de barque, le père Gauss enverrait son fils. Alors elle s'était promis qu'elle irait à lui et qu'elle lui parlerait pour en avoir le cœur net. Je lui reprocherai de m'avoir troublée, puis abandonnée, à la manière des garçons qui n'ont pas d'honneur. Si je lui parle franc, peut-être reparaîtra son beau sourire qui arrangera tout. De loin, cela paraît facile, si simple à faire. Non, je n'oserai jamais. Plutôt me consumer d'attente et mourir de chagrin. Mais c'était demain le départ pour l'Islande, et cette occasion de voir Yann était unique. Il faudrait, si elle la manquait, recommencer des mois d'attente, perdre encore un été de sa vie. En bas, la porte s'ouvrit. Monsieur Yann, je voudrais vous parler. À moi ? Il m'a regardé d'un air sauvage. La tête rejetée en arrière, un pied en avant, prêt à fuir. Il plaquait ses larges épaules à la muraille, comme pour être moins près de moi dans ce couloir étroit où il se voyait pris. Je n'aurais jamais prévu qu'il pourrait me faire cet affront, de passer sans m'écouter. Est-ce que notre maison vous fait peur, monsieur Yann ? Le soir du bal où nous étions ensemble, vous m'aviez dit au revoir comme on ne le dit pas à une indifférente. Vous êtes donc sans mémoire ? Que vous ai-je fait ? Le mauvais vent d'ouest s'engouffrait là, venant de la rue. On était mal dans ce corridor pour parler de choses graves. Dehors, le ciel était noir. Un éclairage livide tombait en plein sur nous. Et une voisine d'en face nous regardait. Mademoiselle Gaude, déjà j'en ai entendu dans le pays qui parlait sur nous. Mademoiselle Gaude, vous êtes riche. Nous ne sommes pas des gens de la même classe. Je ne suis pas un garçon à venir chez vous. Ainsi, tout est fini. À jamais. Je n'ai réussi qu'à me faire passer à ses yeux pour une effrontée. Mais quel garçon est-il donc, avec son dédain des filles, son dédain de l'argent, son dédain de tout. Et demain, il part pour l'Islande. Il partait pour l'Islande. Alors elle lui pardonna tout. Et un sentiment de tendresse sans espoir prit la place du dépit qui lui était monté au cœur. Que faire à présent ? Oh, s'il avait pu m'écouter, rien qu'un moment. Plutôt, s'il pouvait être là, seul avec moi, dans cette chambre, on se parlerait en paix. Tout s'expliquerait. Je lui dirais : vous m'avez cherché quand je ne vous demandais rien. À présent, je suis à vous de toute mon âme. Voyez. Je ne redoute pas de devenir la femme d'un pêcheur. Et cependant, parmi les garçons de Paimpol, je n'aurai qu'à choisir si j'en désirais un pour mari. Mais je vous aime, vous, parce que je vous crois meilleure que les autres. Je suis un peu riche. Je sais que je suis jolie. Bien que j'ai habité dans les villes, je vous jure que je suis une fille sage, n'ayant jamais rien fait de mal. Alors, puisque je vous aime tant, pourquoi ne me prendriez-vous pas ? Mais tout cela ne sera jamais dit qu'en rêve. Et demain, ils partent tous pour l'Islande. Seul, dans sa belle chambre, il lui semblait voir crouler le monde, avec les choses présentes et les choses à venir au fond d'un vide morne, effroyable, qui venait de se creuser partout autour d'elle. Elle souhaitait être débarrassée de la vie, être déjà couchée tranquille sous une pierre pour ne plus souffrir. La mer grise. Sur la grande route non tracée qui mène les pêcheurs en Islande, on filait doucement. La veille, quand on était parti au chant des vieux cantiques, il soufflait une brise de sud, et tous les navires, couverts de voiles, s'étaient dispersés comme des mouettes. Yann avait l'air maussade. Ça va, grand? T'as une sale tête aujourd'hui. Ah oui? Ben, c'est la mienne. Il n'y avait rien à faire qu'à glisser tranquillement au milieu de choses tranquilles. Rien qu'à se laisser vivre. En regardant, on ne voyait que des grisailles profondes. En écoutant, on n'entendait que du silence. Tout à coup, un bruit sourd, à peine perceptible, mais inusité, est venu d'en dessous, avec une sensation de raclement. Et la Marie cesse sa marche, immobilisée. Échouée. Où et sur quoi? Quelques bancs de la côte anglaise, probablement. Aussi, on ne voyait rien depuis la veille au soir. Avec ses brumes en rideaux. Voilà, elle s'était arrêtée, la Marie, et n'en bougeait plus. Au milieu de cette immensité de choses fluides, qui par ces temps mous semblaient n'avoir même pas de consistance, elle avait été saisie par je ne sais quoi de résistant qui était dissimulé sous ses os. Elle y était prise et risquait d'y mourir. Ils amenèrent des embarcations pour mouiller des ancres, essayer de se déhaler sur des amarres. Une rude manœuvre qui dura 10 heures d'affilée. Et le soir venu, le bateau prenait mauvaise figure. Inondé, souillé, en plein désarroi. Il s'était débattu, secoué de toutes les manières, et restait cloué comme un bateau mort. La nuit allait nous prendre. Le vent se levait et la houle était plus haute. Cela tournait mal. Quand vers 6 heures, nous voilà dégagés. Partis, cassant les amarres. Nous flottons! Nous flottons, nous flottons, flottons, nous flottons, flottons. Tu vois ça, Yann? Comment dire cette joie de flotter? De se sentir partir, redevenir une chose légère, vivante, quand on était déjà presque une épave, et même avant, depuis l'appareillage. Un homme plein de doutes, plein de ces fichues questions qu'on se pose à terre. Ces questions que les femmes vous posent. Assez de questions. Plus de tristesse. J'ai rompu les amarres. Je me sens le cœur libre comme jamais. C'était Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Gaude, Nicolas Struve, Yann, Dominique Pinon, Guillaume, Frédéric Ruchot, Grand-mère Yvonne, Noam Morgenstern, Sylvestre Mohan, et les voix de Luce Bekistan, Jean-Yves Duparc, Martial Leminou, Loïc Pichon, Hervé Colombel. Musique, Guy Ropartz. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation, Annabelle Brouard, Étienne Vallès.